toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamondo 107FM. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 précisément. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont Maude Poulet qui travaille entre autres dans le monde de l'hypnose ericksonienne, et c'est important de le préciser, et de la nutrition, et qui est là pour nous parler de son métier et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Maude. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Merci de m'accueillir. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? L'hypnose ou moi? Vous d'abord. Ah, je me présente, je m'appelle Maude Poulet, j'ai 50 ans et j'exerce le métier d'hypnothérapeute depuis une dizaine d'années maintenant. Avant j'étais musicienne et concertiste. Et puis depuis 10 ans j'exerce à Grenoble et j'ai déménagé pour venir dans les Vosges depuis une année. Et je me suis maintenant installée à Épinal, où j'ai ouvert un cabinet rue du Paquis. D'accord. Et donc maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'hypnose donc, et la nutrition, du coup, quel a été votre parcours, on va dire, scolaire et professionnel? Est-ce que vous avez fait des études dans le domaine de la nutrition et de l'hypnose? Je ne sais pas si ça existe, mais quel a été votre parcours, tout simplement? Alors, j'ai un parcours très hétéroclite, puisque j'ai commencé comme musicienne, comme je vous le disais. Donc, j'ai allé à l'université et puis au conservatoire pour apprendre à jouer de la flûte traversière. Puis, je suis intervenue dans les écoles et j'ai été sensible aux enfants en difficulté. Donc, j'ai fait une formation de musicothérapie. Et la thérapie m'intéresse, m'a beaucoup plu et je me suis penchée sur ça. J'ai fait une formation en Suisse d'hypnose. Et il y a de nombreuses écoles d'hypnose maintenant. D'accord. Et en Suisse, c'est très sérieux parce que les Suisses reconnaissent l'hypnose comme une profession qui peut aider vraiment. Alors maintenant en France aussi, il y a de nombreux médecins qui utilisent l'hypnose, des dentistes, des chirurgiens, des anesthésistes utilisent l'hypnose. Et donc voilà, je me suis formée en Suisse en hypnose et j'avais depuis toujours un intérêt fort pour la nutrition, pour les plantes. D'accord. J'avais fait une formation en étant très jeune sur les élixirs floraux que je distribuais volontiers à toutes mes amies, connaissances et toute personne qui n'allait pas bien. Donc j'ai toujours baigné dans les plantes, dans les élixirs et dans la nutrition. D'accord. D'ailleurs, nous le répéterons tout au long de cette émission, mais comme on le dit, vous êtes hypnothérapeute. Mais il est important de préciser du coup que le travail d'une hypnothérapeute ne remplace en aucun cas le verdict d'un médecin. Vous avez tout à fait raison de le dire. Je me substituerai jamais à un avis médical d'un professionnel et j'encourage de toute façon toutes les personnes à aller d'abord voir un médecin avant de venir me voir pour être. Je me positionne comme un complément, comme une alternative, mais pas du tout comme quelqu'un qui remplacerait un avis médical, bien sûr. D'accord. Et donc, maintenant, nous allons également développer le sujet tout au long de cette heure d'émission. Mais pouvez-vous maintenant présenter rapidement, en quelques mots, ce qu'est l'hypnose ericksonienne? Ah, alors, l'hypnose, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, puisqu'en fait, on a toujours eu des transes, des gens qui faisaient, à l'aide de chansons ou de danses, des états modifiés de conscience. Donc, en fait, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Et Erickson, 1960 à peu près, aux États-Unis, a eu une histoire absolument incroyable, c'est-à-dire que le médecin lui avait dit qu'il mourrait. Et il a entendu la discussion entre sa mère et le médecin qui lui a dit « Demain, votre fils sera mort ». Et il a installé un miroir, il a demandé à sa mère d'installer un miroir au bout de son lit, et il s'est promis que si, au réveil, il était encore vivant, il ferait tout pour continuer à guérir. Et en fait, il a tenu toute la nuit, et il s'est rendu compte qu'avec la force du mental, on pouvait faire énormément de choses. Et donc, le lendemain, Il était vivant et il a continué à faire des tas de choses pour se dépasser, pour aller vers un mieux. Toujours convaincu qu'avec la force de l'esprit, on pouvait faire plein de choses. Et il a même traversé je ne sais plus quelle rivière seul alors qu'il était handicapé des deux jambes. Il a fait la descente d'une rivière avec son canoë-kayak et il a fait du feu tout seul, il a fait à manger tout seul. Enfin bon, le truc incroyable. Et une fois qu'il a terminé ça, il est devenu médecin. Et il a fait des études de médecine et puis il est devenu médecin, psychiatre. Et il s'est rendu compte que grâce à la force de l'esprit, il pouvait sortir des personnes qui étaient gravement malades de leur situation. Et il a ouvert une voie et c'est pour ça qu'on parle d'hypnose ericksonienne, parce que sa caractéristique, c'est de dire... On part de où se trouve le malade, où se trouve la personne qui demande de l'aide. On ne va pas plaquer quelque chose sur cette personne. On va vraiment prendre les mots qu'elle nous donne, les images qu'elle nous offre, sa douleur, ses sensations, son état d'esprit, pour l'amener un tout petit peu plus loin. Voilà. D'accord. C'est une jolie histoire. Donc, en préparant cette émission, je suis allé du coup sur votre site internet et j'ai eu l'occasion de lire sur la page d'accueil que depuis toujours vous vous formez, parce que non seulement vous adorez apprendre, comme vous dites, de nouvelles connaissances, mais aussi pour enrichir votre boîte à outils, comme vous l'appelez. Donc, est-ce que cela veut dire que même encore aujourd'hui, vous vous formez sans cesse ? Ah oui, sans cesse. Je travaille, je reçois des magazines de nutrition, des magazines sur... Voyez, là, actuellement, je me demande si je vais pas me former aux huiles essentielles, voyez, parce qu'il y a un champ énorme d'investigation. J'ai une formation en homéopathie et cette formation, je pense que il faudrait plusieurs vies pour pouvoir faire le tour de toutes les connaissances en homéopathie. Donc, je continue à me former en homéopathie. Je suis actuellement en train de me former au bol tibétain, à la relaxation par les bols tibétains. Donc, j'ai quelques bols à la maison et puis je m'entraîne sur les cobayes qui veulent bien avant que je sois en compétente ou que je m'estime compétente pour pouvoir le proposer à mes patients. Et j'ai comme ça toujours une soif d'apprendre, parce que je tombe régulièrement sur des personnes qui me poussent dans mes retranchements et qui m'obligent à aller chercher plus loin pour les aider. Donc grâce à eux, je gravis des marches dans les connaissances. D'accord. Je suppose du coup que, et comme on comprend quand vous parlez, c'est très important pour vous de vous former sans cesse, de toujours apprendre davantage. Oui, toujours. C'est impossible pour moi d'arrêter. J'ai jamais arrêté depuis toujours. Je ne sais pas comment on fait pour arrêter. Quand j'étais enceinte de ma fille, je faisais de l'hypnose. Ensuite, quand elle était petite, je faisais de l'homéopathie. Et puis ensuite, j'ai enrichi comme ça mes connaissances sur des choses, la naturopathie, les plantes. Mais aussi, vous savez, je me promène dans mon jardin, je vois une plante, je ne sais pas ce que c'est, et je me dis, ah, tiens, cette plante, à quoi sert-elle ? Et comment je peux la transformer en confiture ? Est-ce que je peux en faire de la vitamine C ? Est-ce que, vous voyez, le cynorhodon, ça paraît tout simple, mais on peut faire la super vitamine C avec la confiture de cynorhodon. Et donc, il y a plein de choses comme ça, plein de plantes où je me demande ce que c'est, à quoi elles servent, comment on peut... Et je découvre sans arrêt. J'ai du millepertuis partout dans mon jardin et je me suis donc penchée sur le millepertuis et toutes ses vertus. Et c'est comme ça, toujours, quand je suis un peu curieuse, en fait. Il faut, c'est de la bonne curiosité. C'est de la bonne curiosité, je disais. Oui. Donc... Peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs pourraient se dire que vous êtes une hypnotiseuse, entre guillemets. D'ailleurs, même moi, j'ai fait l'erreur pas plus tard qu'hier quand j'ai annoncé l'émission d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Comme on le dit, vous n'êtes pas une hypnotiseuse, mais vous êtes hypnothérapeute. Donc, quelle est la différence entre une hypnotiseuse et une hypnothérapeute ? Alors, il y a hypnotiseur et praticien en hypnose. Et praticien en hypnose, c'est la même chose que hypnothérapeute. D'accord. Donc, en fait, hypnotiseur, c'est du spectacle. Vous connaissez les gens qui font de l'hypnose dans la rue, qui touchent le front et la personne est hypnotisée. Les hypnotiseurs de spectacle, on parle du grand Besmer qui impressionne les gens. Vous avez certainement entendu des émissions de radio où les gens sont hypnotisés en direct ou des émissions de télévision. Mm-hmm. Ça, c'est du spectacle. C'est-à-dire que le cerveau de la personne est crispé, bloqué, et à partir de ce moment-là, on fait faire n'importe quoi. Le thérapeute, lui, il a pour but d'accompagner, d'aider. Donc, on va aller vers une pratique qui est beaucoup plus douce. Je ne vais jamais mettre ma main sur le front de quelqu'un pour qu'il soit hypnotisé. Je vais l'accompagner tranquillement vers l'hypnose. Et cet accompagnement doux va faire que si la personne ne se sent pas bien, elle sera complètement en capacité d'ouvrir les yeux et de dire à n'importe quel moment, je préfère arrêter. D'accord. Donc, c'est un accompagnement lent, doux, tranquille. On va tranquillement vers un mode de relaxation de plus en plus profond où le corps se détend. Et une fois que le corps est détendu, on crée une forme de confusion au niveau de l'esprit qui fait qu'en mélangeant les mots, le cerveau n'est plus vraiment conscient et c'est l'inconscient qui prend la place du conscient pour pouvoir jouer une carte et des jeux qu'on ne fait jamais dans la vie de tous les jours. D'accord. Et donc, j'ai également vu sur votre site internet que vous êtes également un spécialiste des troubles alimentaires. Oui. Donc, racontez-nous un peu ce que vous faites pour régler ces troubles alimentaires. Alors, les troubles alimentaires, moi, je trouve ça absolument passionnant. Alors, si vous me branchez là-dessus, je vais essayer d'être quand même un peu synthétique. Mais les troubles alimentaires, c'est quelque chose de passionnant parce qu'en fait, c'est jamais une seule cause qui crée un trouble alimentaire. C'est parce qu'on dort mal, c'est parce qu'on est anxieux, c'est parce qu'on est stressé par le travail, par les enfants, c'est parce que on a des associations alimentaires qui ne sont pas correctes, c'est-à-dire qu'on met deux aliments ensemble qui, au lieu d'être digérés rapidement, sont digérés lentement. C'est parce que on a besoin de se remplir, parce qu'on se sent vide dans sa vie émotionnellement. C'est parce que on est triste, on a perdu quelqu'un. Et on a besoin de compenser par ce chagrin, par la nourriture. Donc, les troubles alimentaires sont multifactoriels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on prend du poids. Est-ce que c'est mécanique, dans le sens, est-ce que c'est physiologique ? On peut avoir, par exemple, un dysfonctionnement d'un organe qui va entraîner une prise de poids. Ou est-ce que c'est psychologique? Ou est-ce que c'est comportemental? C'est-à-dire, tous les jours, en rentrant du boulot, on est fatigué, on est stressé, donc on mange. Vous voyez, il y a des habitudes qui s'installent. On prend systématiquement du chocolat devant la télévision. Systématiquement, on grignote des biscuits devant la télévision. Les Américains sont très forts pour faire ça, par exemple. Mais vous voyez, il peut y avoir plusieurs causes à la prise de poids. D'accord. Et j'ai également vu sur votre site internet que vous aidez les couples infertiles. Oui. Donc, pareil, même question, comment vous faites, on va dire, pour débloquer ces problèmes d'infertilité, si on peut les débloquer? Alors, je rappelle une nouvelle fois que je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me subtiliser au travail d'un médecin. Donc moi, je travaille avec les couples qui ont été diagnostiqués par des médecins comme étant des couples infertiles. D'accord. Mais sur une infertilité spécifique qui est une infertilité idiopathique. C'est-à-dire où, mécaniquement, la femme et l'homme devraient être en capacité d'avoir des enfants, mais sauf que ça ne marche pas. Et ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est ce qu'on appelle idiopathique. D'accord. Donc, on ne sait pas pourquoi. Donc, en fait, moi, j'interroge l'inconscient. Je vais regarder si dans l'inconscient, il y a des blocages. Et l'inconscient, c'est typiquement quelque chose dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire, c'est notre mémoire, comme dans la mémoire d'un ordinateur qui aurait accumulé des tas de choses. Dans l'inconscient humain, il y a des tas de choses dont on ne soupçonne même pas l'existence parce que on était petit, on a vu un film qu'on n'a pas bien compris et qui a marqué notre inconscient, on a entendu une discussion d'adultes alors qu'on jouait dans un coin, et cette discussion a pu nous impressionner et on a pu vivre des expériences douloureuses qui peuvent aussi nous avoir impressionnés. Je peux donner un exemple, peut-être. Bien sûr. Je me souviens d'une jeune femme qui venait parce qu'elle était dans une infertilité idiopathique et qui avait fait tout un parcours de PMA très lourd avec beaucoup d'injections d'hormones et tout ça, et qui était épuisée de ça. Et elle comprenait pas pourquoi, parce qu'elle avait vraiment un désir très très fort d'avoir des enfants. Et en travaillant avec elle, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait accompagné sa sœur à la première échographie qu'elle avait faite. Elle avait 14 ans, sa sœur était à une vingtaine d'années, et sa sœur avait fait une fausse couche, en fait, sur l'échographie. On avait vu, malheureusement, que le bébé n'était pas viable. Et sa sœur s'était mise à hurler lors de l'échographie. Et ce choc de voir sa sœur avait impressionné tellement cette jeune femme qu'elle n'en était plus capable. Voyez. Et donc là, il faut créer un autre possible, c'est-à-dire sous hypnose, la mettre dans la peau d'une maman qui va avoir une grossesse, qui va tenir 9 mois et qui va accoucher. Voyez, ça, son cerveau, il voulait plus ça. Il ne voulait pas parce qu'il associait une très grande tristesse au fait d'être enceinte. D'accord. Donc il est 14h18. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions Bobby McFerrin avec un de ses plus célèbres titres, Don't Worry, Be Happy, que l'on pourrait traduire en français par Ne t'inquiète pas, sois heureux. Pour donner un petit peu les références comme j'aime le faire, cette chanson est plutôt typée jazz. Elle est sortie en 1988 et est tirée de l'album Simple Pleasures, excusez-moi de mon accent un peu, voilà, que l'on pourrait traduire cette fois par Plaisir Simple, donc de Bobby McFerrin, album sorti en 1988 également. C'est une chanson remplie de bonnes ondes, ça fait du bien, donc on écoute cette chanson et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous êtes toujours en direct dans Fréquence Libre. Il est 14h23. Vous venez d'écouter Bobby McFerrin et son titre Don't Worry, Be Happy. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Maude Poulet qui est venue nous parler de son métier d'hypnothérapeute, entre autres. Ça va toujours ? Ça va toujours très bien. C'est surtout après une chanson comme ça, c'est formidable. Hein. Ah oui, ça met de bonne humeur. Oui, c'est ça. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin ? Ah, parce que je pense qu'elle résume en elle-même le message de l'hypnose. D'accord. C'est-à-dire que ne sois pas inquiet, sois heureux. Et parce qu'en fait, grâce à l'hypnose et à d'autres techniques de neurosciences, hein, il est vraiment possible de changer son cerveau profondément, de passer d'un désespoir noir à la lumière, d'être heureux. Donc ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Bien sûr, c'est pas miraculeux. Je dis toujours que je vais pas, avec une hypnose, donner un coup de baguette magique et la vie va être transformée. Bien que, quelquefois, il n'en suffit que d'une et les choses sont transformées complètement. Vraiment, il suffit de voir le soleil, en fait. Mmh. Se dire qu'on est dans l'ombre, que c'est sombre, qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a plus d'espoir, et hop, il y a le soleil, et le cerveau humain est absolument fantastique, il va toujours vers la lumière. D'accord. Si un corps est malade et qu'on lui donne le chemin pour aller se guérir, le corps se guérit. Si le cerveau est déprimé et qu'on lui donne le chemin pour aller vers le mieux, il va vers le mieux. C'est physiologique en fait. C'est comme les plantes. Si vous mettez les conditions pour que les plantes elles poussent, elles poussent. D'accord. Justement, avant cette pause musicale, nous parlions, on va reprendre tout doucement le cours de cette émission, donc avant cette pause musicale, nous parlions du fait que vous venez en aide aux couples qui souffrent d'infertilité après qu'ils aient consulté un médecin, bien sûr, oui, pour dénouer les blocages inconscients ou encore les peurs conscientes. Cela veut-il donc dire que parfois l'infertilité peut disparaître une fois justement ces blocages ou ces peurs disparues, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. En fait, c'est très bizarre, il n'y a pas de réponse. Le cerveau est mystérieux, c'est-à-dire que le cerveau répond très très vite ou met beaucoup de temps. C'est-à-dire que quelquefois le thérapeute arrive et il est comme celui qui met la cerise sur le gâteau et ça débloque. Et puis quelquefois, il est celui qui pose le premier étage de la pièce montée. Et il faut encore faire encore d'autres démarches pour que ça puisse se réaliser. Donc, par rapport à l'infertilité, j'adorerais vous dire, en sortant de chez moi, les couples infertiles ont un bébé dans les 9 mois. Ça s'est produit. Il y en a qui m'ont dit, vous aviez dit qu'il nous faudrait un peu de temps, qu'il fallait être patient. Et tout de suite, et je reçois quelquefois des messages tout de suite, les gens ils me disent, ça y est, on est enceinte. Ça y est, je suis enceinte. Et puis, quelquefois, il y en a qui me disent, mais vous aviez dit, on n'en peut plus d'attendre. Mais ça arrive. Ça arrive, en principe, ça arrive. D'accord. Et nous en avons parlé un petit peu plus tôt. Vous venez également en aide aux enfants. Oui. Mais dans quel domaine est-ce que c'est pareil dans ces domaines de s'ils sont déprimés ou autres? Alors, les enfants sont des petits êtres absolument magnifiques et magiques parce qu'ils portent en eux tellement de vie que si on les met sur la voie, ils y vont encore plus vite que des adultes. D'accord. Et quelquefois, il suffit juste d'entendre le mal-être d'un enfant pour que de recueillir sa parole, recueillir la parole des parents impuissants et ça se dénoue. Donc les enfants en difficulté, je travaille beaucoup avec les enfants qui ont un haut potentiel. D'accord. Donc qui n'arrivent pas à trouver forcément leur place dans le groupe classe, ou les enfants qui vivent des situations de rejet. Je travaille aussi avec ceux qui ont de la difficulté à s'endormir. Et puis avec les enfants qui malheureusement aujourd'hui connaissent de plus en plus de situations d'obésité. Parce que malheureusement, nous allons vers des générations d'enfants de plus en plus lourds et de plus en plus touchés par cette épidémie. D'accord. Et également sur votre site internet, j'ai vu que vous venez même en aide aux seniors. Oui. Donc pareil, la même question, dans quel domaine vous venez en aide aux seniors? Alors, les seniors, je ne leur fais jamais d'hypnose. D'accord. Nous n'ont rarement besoin, mais par contre là j'entre en jeu avec mon accompagnement de naturopathie, donc par les plantes, par les oligo-éléments, donc la micronutrition que je pratique, c'est l'aide par les vitamines, par les plantes, et donc j'accompagne la dernière partie de la vie sur une alimentation qui est la plus saine possible, la plus adaptée à chaque personne. Donc pour certains ça sera pour l'arthrose, vraiment parce qu'il y a des difficultés à se mouvoir, à bouger, c'est tellement douloureux qu'on a mal dans les mains, mal dans les pieds. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a tellement de médicaments qu'il y a des douleurs au niveau de la digestion. Pour d'autres, c'est plutôt au niveau intestinal, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de transit avec l'âge qui apparaissent. Et donc, on accompagne grâce aux plantes. Voilà, alors moi ou d'autres, hein, bien évidemment, les naturopathes sont une alternative aux médicaments allopathiques. D'accord. Et donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai découvert un terme que, j'avoue, je ne connaissais pas, la nutrithérapie. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est justement cet accompagnement qu'on propose, que je propose, hein, qui est à base de vitamines, d'oligo-éléments. Alors, dans les oligo-éléments, vous avez le magnésium, hein, mm-hmm. le zinc, qui a été extrêmement encouragé à être consommé pour éviter d'attraper le Covid, par exemple. La vitamine D aussi, qui est encouragée pour protéger le système immunitaire. La vitamine C aussi pour le système immunitaire. Donc, par exemple, le trio zinc, ZINC, hein, le zinc, la vitamine D et la vitamine C protègent le système immunitaire. Donc c'est par exemple une proposition que je peux faire pour dire aux gens, mais si vous voulez vous protéger contre les attaques microbiennes, prenez ça, ça va renforcer votre système immunitaire. D'accord. Ensuite, il y a d'autres oligo-éléments que vous connaissez certainement, l'or, l'argent, le chrome, le soufre. Donc on peut, par exemple, grâce à ces oligo-éléments et à une nourriture adaptée, vaincre les problèmes d'acné. Vous voyez, il y a par des associations heureuses d'aliments, en réparant la barrière intestinale, en renforçant le microbiote par des probiotiques et des prébiotiques, on peut arriver à nourrir l'intestin et permettre de guérir justement l'acné ou l'eczéma ou les maladies de peau. Voilà, des exemples d'utilisation des oligo-éléments. D'accord. Et je crois savoir également que vous pratiquez la radiesthésie. Oui. Donc, même question, qu'est-ce que la radiesthésie ? Alors, la radiesthésie, c'est l'utilisation du pendule. D'accord. Donc, j'ai commencé par apprendre à la géobiologie, donc grâce au pendule, à aller chercher de l'eau, les réseaux Hartmann, les failles géobiologiques qui étaient dans le sol, ainsi de suite. Et puis ensuite, j'ai utilisé le pendule pour pouvoir faire une lecture énergétique sur les lieux, être en capacité de dire que tel ou tel lieu est très fort énergétiquement ou très s'affaiblit et donc entraîne des maladies, entraîne des fatigues, entraîne des troubles du comportement. Et ensuite, de cette utilisation-là, je l'ai transposée sur le corps humain. Donc je peux maintenant, grâce à mon pendule, à l'utilisation du pendule, je me mets en vibration, si vous voulez, un peu comme c'est une antenne, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'ai une main qui me sert d'antenne et qui me permet de capter, et une autre main qui tient mon pendule. Et donc, j'interroge le pendule en lui posant les questions que je souhaite. Donc, je peux faire le même travail qu'un énergéticien, un acupuncteur, qui dirait que les reins sont fatigués ou que les nerfs sont retendus ou que le foie a besoin d'être soutenu. Voilà. D'accord. Et également sur votre site internet, j'ai vu que vous proposez également différents accompagnements personnalisés. Oui. Car, comme vous le dites, vous considérez que chaque personne est unique et exceptionnelle. Oui, complètement. Donc, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons retrouver dans ces différents accompagnements ? Alors, j'aimerais revenir sur le fait que chaque personne est unique et exceptionnelle. Parce que, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui font que vous êtes unique. La première, c'est que vous êtes né quelque part, de parents, à un moment donné, et que personne d'autre, ça semble être une grande évidence, mais personne n'est né de ces parents-là, à ce moment-là, à cette heure-là, cette minute-là, même si vous avez un jumeau ou une jumelle, il est né un peu plus tôt ou un peu plus tard. Bon. Mmh. Donc, d'accord. Vous avez des parents qui sont nés quelque part, qui ont mangé, vécu, aimé des choses pendant plusieurs générations dans un même lieu. Et donc, vous êtes modelé quelque part, en Vosgien, en Marseillais, en Lillois, en Dunkerquois ou en Grenoblois. Vous êtes né quelque part de parents qui sont nés quelque part. Et ça, c'est important parce qu'à l'époque, on mangeait que ce qu'il y avait dans notre jardin. On ne mangeait que ce qu'il y avait au marché, ce qu'il y avait chez l'épicier du coin, mais on mangeait très très très local. Donc vous avez dans votre corps une capacité à digérer parfaitement bien certains aliments et moins bien d'autres. Par exemple, le soja, si vous avez des ancêtres chinois, vous allez très bien le digérer, mais si vos ancêtres ne sont pas chinois, vous aurez plus de difficultés à le digérer. Ou alors, si je vous dis manger des ananas, est-ce que dans la vie de vos grands-parents, ils ont eu l'occasion, ou de vos arrière-grands-parents, de manger régulièrement des ananas ? Pas sûr. Donc, vous n'êtes pas forcément, vous, en capacité de digérer les ananas. Et puis ensuite, il y a tout le reste, tout ce qui fait votre quotidien, parce qu'on est un ensemble de cellules. Vous êtes né d'une cellule, d'une rencontre qui a fait une cellule avec un cœur et autre, et puis plusieurs milliards de cellules maintenant. Et ces cellules, en fait, elles réagissent à leur environnement. Donc, à ce que vous mangez, si vous mangez des tomates en boîte ou si vous mangez des tomates de votre jardin, si vous mangez, si vous prenez des médicaments, si vous n'en prenez pas, si vous buvez de l'alcool au réveil ou si vous buvez de l'eau, si vous respirez l'air pollué ou si vous respirez de l'air pur, tout ça va jouer sur votre organisme. Mmh. Et en plus de tout ça, en plus de ce que vous mangez, de ce que vous avez hérité de vos parents, grands-parents, il y a ce que vous vivez au quotidien en émotion. Et en médecine chinoise, on dit que les émotions jouent sur les organes. Par exemple, si on est en colère, on va fatiguer notre foie. Si on a peur, ça va être nos intestins qui vont être affectés. D'accord. Et donc, les émotions du quotidien vont jouer sur votre corps humain, elles aussi. Et donc, vous êtes unique parce que vous êtes un ensemble de tous ces facteurs-là. D'accord. Donc, il est 14h37. Avant de nous pencher encore davantage sur tout ça, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions une chanson que j'aime beaucoup également, Over the Rainbow, du chanteur hawaïen Iz, dont on salue la mémoire. D'ailleurs, il y a quelques jours, le 20 mai précisément, Iz aurait fêté ses 62 ans. Ah oui. Et dans un mois tout pile, le 26 juin, cela fera 24 ans qu'il est malheureusement décédé. Donc une nouvelle fois, pour donner les quelques références, cette chanson est sortie en 1990 et est tirée du tout premier album solo du chanteur, album intitulé Ka Anoi, je ne sais pas si je le prononce bien, s'en suivront 4 autres albums, et cet album est sorti du coup le 23 novembre 1990. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après cette chanson, donc Iz avec Somewhere Over the Rainbow. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Way up high. retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Is avec son titre Over the Rainbow. Et donc, vous nous écoutez toujours sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio, ou sur le 107 FM localement. Bien sûr, vous êtes toujours en direct. Il va être 14h42. Et du coup, nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Maud Poulet, qui est là pour nous parler, entre autres, de ses métiers d'hypnothérapeute et de nutrithérapeute. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Maud? Ah oui, merci beaucoup, c'est vraiment délicieux. Parfait. D'ailleurs, on ne l'a pas encore dit, mais il y a votre fille juste à côté qui nous écoute. Ah oui, c'est grâce à elle que je suis ici. Ah bah, voilà. Donc, une nouvelle fois, même question que pour la première pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Is? Alors, parce que c'est une chanson que ma fille aimait beaucoup quand elle était petite. D'accord. Et qu'elle a appris à chanter plus tard en prenant des cours de chant. Mm-hmm. Mais qui symbolise pour moi, encore une fois, cette possibilité qu'après, au-delà de l'arc-en-ciel, il puisse se passer plein de choses différentes. Que l'arc-en-ciel, en fait, c'est la réunion de la pluie et du soleil. Et qu'après, au-delà de l'arc-en-ciel, eh bien, il y a un possible. Il y a un possible différent, une autre vie, une autre possibilité de changer, d'avoir une autre vie. J'ai une patiente là actuellement que j'aime beaucoup, que je suis depuis un an maintenant, qui a complètement changé et qui était addicte aux opiacés. Parce que la pauvre était perclue de douleur et elle a commencé à prendre des opiacés, puis elle en a pris de plus en plus et puis elle n'arrivait plus à s'en sortir. Et il lui arrivait que des ennuis dans la vie suite à son comportement un peu comateux. Et puis là, ça y est, elle est sortie de sa brume. Elle a passé au-delà de l'arc-en-ciel et elle a plein de retours, plein de soleil, plein de gens extrêmement heureux de l'avoir épanouie, bien, souriante, radieuse, droite. Elle se tient droit maintenant, c'est chouette. C'est chouette de l'avoir comme ça. Voilà, donc cette chanson m'inspire tout ça, toutes ces personnes qui vont mieux après. D'accord. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission. Et maintenant, je vous propose de nous intéresser un peu plus en détail à l'hypnose ericksonienne, bien que nous en avons parlé un petit peu plus tôt dans cette émission. Mais est-ce que vous pouvez tout simplement un petit peu détailler ce qu'est l'hypnose ericksonienne, ou rappeler s'il y a des auditeurs qui nous rejoignent? C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'hypnose qui part. Le grand message d'Erickson, c'est de dire, vous, en tant que thérapeute, vous ne devez pas plaquer une réponse, mais vous devez partir de l'endroit où sont les gens. C'est-à-dire de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils sont, de leurs difficultés, de leurs mots, de leur façon d'être. Et utiliser des images, utiliser une transe douce pour aller vers un possible imaginé qui devienne ensuite réel. Alors, le possible imaginé, c'est par exemple... puisqu'on en parlait tout à l'heure pendant la musique, l'examen, le fameux oral du bac. Sous hypnose, on imagine qu'on passe l'oral du bac. D'accord. On est très tranquille en état hypnotique. On est assis dans un fauteuil, les yeux fermés, la vie est belle, tranquille, il ne se passe rien, il n'y a pas les examinateurs, il n'y a pas la peur de rater, il y a juste le thérapeute et celui qui doit passer son grand oral, tranquillement, détendu. Et sous hypnose, dans cet état de détente profonde, on passe l'oral du bac. D'accord. Et ça se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, on recommence. Parce qu'on peut recommencer sous hypnose. Et on utilise des baguettes magiques sous hypnose. On utilise des possibles sous hypnose qu'on pourrait pas utiliser dans la vraie vie. On peut recommencer, on peut tirer un autre sujet, on peut avoir des examinateurs souriants, on peut organiser tout ce qu'on veut, en fait, sous hypnose. Tout un imaginaire. Et une fois que cet imaginaire est créé, une fois qu'on a joué le grand oral et qu'on l'a réussi, et que sous hypnose, on peut voir qu'on a eu une bonne note, qu'on a été compétent, qu'on a pu parler à l'oral, eh bien, une fois que ça a été dit, fait pour de faux, mais en même temps pour de vrai, c'est-à-dire le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux quand il est sous hypnose, eh bien, une fois qu'on est dans la vraie vie, eh bien, ça se passe bien, parce qu'on l'a déjà réussi une première fois. Et c'est la même chose avec l'avion. On a peur de prendre l'avion, sous hypnose, on prend l'avion, on fait un grand voyage, tout se passe bien, et puis la fois suivante, les gens me disent « j'ai pris l'avion, ça se passe nickel, hein ». Voilà, j'ai passé l'oral et ça s'est très très bien passé. Bien sûr, il y a toujours cette appréhension, mais c'est normal qu'il n'a pas d'appréhension avant d'aller passer un examen, qu'il n'a pas d'appréhension avant de monter dans un avion. Bon, peut-être ceux qui le prennent tout le temps, mais sinon on est tous conscients que tout est possible. C'est vrai. D'ailleurs, donc ici on est aussi dans cette émission pour casser certaines idées reçues. Donc peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs sont réticents avec l'hypnose, peut-être par peur, je ne sais pas, de ne pas se réveiller entre guillemets. Mais il est bon de préciser, et d'ailleurs corrigez-moi si je me trompe, que l'hypnose est un état naturel. Oui, tout à fait. Alors c'est un état on ne peut plus naturel. Vous êtes en état d'hypnose toute la journée, tout le temps. D'accord. En tout cas, pas tout le temps, mais très souvent. C'est-à-dire que le cerveau se met lui-même en état hypnotique pour pouvoir récupérer, se reposer. Par exemple, vous êtes devant la télévision, vous suivez vaguement une émission qui vous intéresse que très moyennement, vous êtes en état hypnotique. On sonne à la porte, hop, vous vous levez, vous allez ouvrir. Vous étiez pourtant dans un état hypnotique. Vous êtes dans le train, en train de regarder le paysage. Au bout d'un certain temps, vous commencez à penser à autre chose, eh bien, vous êtes dans un état hypnotique. Cet état d'hypnose, c'est un état naturel dans lequel le cerveau se trouve très fréquemment dans la journée. Simplement, au cabinet, dans leur relation thérapeutique, on provoque l'état hypnotique. On n'attend pas, le thérapeute, il n'attend pas gentiment que la personne, elle se mette à rêver. Mm-hmm. On induit ça. Mais ça veut dire aussi que comme c'est très léger, à n'importe quel moment, la personne va sortir de son état hypnotique, si elle le souhaite. Après, l'intérêt, c'est de la conduire jusqu'au bout pour qu'elle puisse sortir tranquillement, se réveiller tranquillement et avoir le sentiment d'avoir été profondément relaxée, détendue et d'avoir fait un travail inconscient, mais agréable. D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que l'hypnose permet au patient ou à la patiente ? De répondre à ses demandes. D'accord. C'est-à-dire que si le patient a des peurs, de vaincre ses peurs, s'il a des blocages, de passer au-delà de ses blocages, d'arrêter de fumer, d'arrêter de grignoter tout le temps, de se sentir plus heureux, d'être à l'aise devant les personnes. J'ai eu un politicien il y a très longtemps qui était très très fort en relation comme ça, de face à face, mais qui, une fois qu'il était devant son pupitre, devant tout le monde, bafouillait, n'arrivait plus à lire correctement ses notes. Voilà, des choses comme ça. Ça peut permettre plein de choses, du coup. En fait, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, l'hypnose permet, est un outil qui permet d'arriver à le faire. D'accord. Sachant que je vous parle de l'hypnose que moi je pratique, mais qu'il existe des hypnoses pour anesthésier, pour ne pas avoir mal aux dents chez le dentiste, pour pouvoir subir des opérations sans être anesthésié. Voilà, ça c'est d'autres formes d'hypnose. D'accord. Donc justement, pouvons-nous dire que l'hypnose est en quelque sorte un reformatage entre guillemets de notre cerveau ? Ah oui, tout à fait. D'accord. Ah, complètement. Vous avez tout compris, bravo. Oui. Et cependant, comme nous le disions au début de cette émission, il est également bon de noter et de rappeler que l'hypnose a ses limites. En effet, on va le rappeler une nouvelle fois, en cas de maladie, l'hypnose ne remplace pas et ne remplacera jamais, je pense, le traitement d'un médecin. Jamais, jamais, jamais. C'est complémentaire. Il accompagne. Il accompagne quelquefois bien, il accélère pour certains, il permet d'aller plus vite sur un travail psychanalytique ou avec un psychologue, d'aller un peu plus rapidement, parce que justement, il propose des solutions. D'ailleurs, certains psychologues utilisent l'hypnose, beaucoup de psychiatres l'utilisent, l'hypnose, donc des médecins généralistes aussi utilisent l'hypnose pour, par exemple, les personnes qui imaginent qu'elles ne vont jamais guérir, pour se projeter dans une guérison possible. pour pouvoir permettre au corps d'aller vers la guérison, puisque le corps, quand on le met dans la bonne direction, comme je le disais au début, il va se guérir. Mais quelquefois, l'inconscient empêche la guérison. Donc, l'hypnose peut aider justement à lever ces blocages. En fait, ça aide beaucoup à lever les blocages. D'accord. On va rappeler un petit peu les quelques domaines dans lesquels vous travaillez. Donc, la perte de poids et la santé, oui. L'infertilité et la naissance. Et vous proposez également des séances pour enfants. Donc, y a-t-il parmi ces trois domaines un domaine dans lequel vous préférez travailler ? C'est des rencontres à chaque fois qui sont tellement différentes que j'ai pas une préférence. D'accord. Quand je rencontre un couple, c'est pas du tout la même chose que de rencontrer quelqu'un qui souffre de l'image qu'elle a d'elle-même parce qu'elle se sent trop grosse, trop lourde, trop qu'elle a pris rapidement du poids et qu'elle se reconnaît plus dans le miroir. Quand je rencontre des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui ont essayé depuis de nombreuses années alors qu'ils s'aiment et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la rencontre n'est pas la même. Quand je rencontre des petits enfants qui sont assis avec leurs petites jambes là sur mes fauteuils et qui ne savent parfois pas pourquoi ils sont là, la rencontre est encore différente. Quand c'est des adolescents qui ne sont pas bien dans leur peau, pas bien avec leurs copains ou avec l'école, c'est encore une rencontre différente. À chaque fois, c'est des rencontres et c'est des rencontres sympas, différentes. Voilà, c'est une rencontre en fait. C'est vraiment de mon cœur à leur cœur. Vous voyez, c'est vraiment, j'essaye d'être le plus en empathie pour pouvoir offrir ce que j'ai de mieux à offrir. D'accord. Donc, du coup, là, on en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. Ça, on peut rapprocher votre réponse de ce que vous dites, que chaque être humain est différent, unique et exceptionnel. Oui, c'est ça. Chaque personne est tellement exceptionnelle dans ce qu'elle est que c'est magnifique. D'accord. Donc, il est 14h, presque 54. Avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer dans une troisième et dernière fréquence que vous avez choisie à nouveau. Le célèbre groupe ABBA et leur non moins célèbre titre Gimme, Gimme, Gimme. Une nouvelle fois, vous êtes habitué désormais pour donner à nouveau les petites références. Cette chanson est plutôt typée pop. Elle est sortie en 1979 et est tirée du 6e album studio du groupe. Album intitulé Voulez-vous, sorti le 23 avril 1979. Donc on écoute ABBA et leur titre Gimme, Gimme, Gimme, et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite. de retour sur Radio Gemozo et vous venez d'écouter Gimme Gimme Gimme de ABBA sur Radio Gemozo. Du coup, vous êtes de retour, je l'ai déjà dit, il est 14h57, presque 58 d'ailleurs, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Maude Poulet, hypnothérapeute et nutrithérapeute, qui est là pour nous parler entre autres de ces deux métiers. Tout est toujours bon pour vous, hein? Oui, toujours, magnifique. Parfait. Donc malheureusement, on va devoir déjà conclure l'émission, c'est vraiment passé. Ça a été vite, hein. À toute vitesse, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que les gens aient envie d'essayer. Mmh, d'accord. Et qu'ils viennent me voir rue du Paquis, au 3 rue du Paquis à Épinal, ou qu'ils m'appellent au 06 43 43 05 25 pour discuter de la manière dont je pourrais les aider, peut-être. D'accord. Pour se renseigner, pour avoir des informations sur ce que je fais. Ou qu'ils aillent sur mon site, à Maude Poulet. Allez, d'accord. .fr. Donc, ce que je ferai, de toute façon, je mettrai le podcast de cette émission demain sur notre page Facebook dans la journée. Ah, c'est gentil. Et je mettrai également le lien de votre site internet et votre numéro de téléphone pour que les auditrices et les auditeurs puissent vous retrouver facilement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc c'est ainsi déjà que se termine cette édition de Fréquence Libre. On va peut-être un petit peu déborder de quelques minutes, mais c'est pas grave. Je vous remercie une nouvelle fois, Maude, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Cette émission sera diffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission, comme je le disais, posté demain sur notre page Facebook de la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous envoyer l'émission par mail. Bien sûr. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique juste après le générique avec Nina Simone et son titre Just Like a Woman, ou alors avec Céleste, Goat Street Park et leur titre Both Sides of the Moon, si jamais le générique dure trop longtemps, mais de toute façon, vous verrez bien. Et je suis perdu, voilà. Et on se retrouve du coup le lundi 7 juin. Pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, car je m'octroie une petite semaine de vacances à partir de vendredi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, à nouveau, et toujours par téléphone, Jean-Yves Dion, pharmacien, apothicaire, auteur, formateur et conférencier québécois à la renommée mondiale, que j'avais déjà reçu il y a quelques semaines. Donc cela dit, je ne vous laisserai pas sans rien pendant ma petite semaine de vacances, car vous aurez quand même le droit à votre chronique hebdomadaire, La Christoire des auteurs, dans laquelle nous continuerons notre voyage au travers de la vie et de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, le créateur de Le Hobbit et de Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à bientôt. Donc salut et à bientôt. Au revoir.